Où naviguent les ondes libres? RQC 95 FM. Le seul compromis, la bonne musique. Fais pas ci, fais pas ça. Regarde ceci et pas cela. Voili voilou, c'est touche à tout. Et bien salut à tous, c'est le Slasher et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission. Donc programme d'aujourd'hui, nous allons avoir notamment Henri, donc Harddisk, en interview pour parler de son livre Comment devenir un pro en vidéo à partir de 14h15. Et donc tout simplement là on va s'écouter Black 47 avec The Big Fella. Oh, was nothing we could do, 'cause we couldn't betray the Republic like Arthur Griffith and you. We fought against each other, two brothers steeped in blood, but I never doubted that your heart was broken in the flood. And though we had to shoot you down a golden bin of blood, I always knew that Ireland lost her greatest son of all. Hey, big fella, where the hell are you now? When we need you the most, big fella, come on to the natural. Là, c'était Black 47 avec The Big Fela, donc extrait de la BO de Sons of Anarchy. Une très très bonne série que je vous conseille d'ailleurs. Là, on va vous parler du tome 2 des Arrow 4 que je vous avais parlé la semaine dernière. Là, c'est le tome 2, encore merci à Slalom. Paré au décollage. Bouclez vos ceintures. Félix Bellard, jeune aviateur intrépide, et son ami Sacha Sauvage, pilote chevronné et grand amateur au Erang. Fumée à la crème sont de retour. Ils sont de retour tout simplement. On va suivre leurs aventures aussi marrantes que qui nous touchent aussi, très très mignonnes histoires. Donc à partir de 9,90€ chez les éditions Slalom. Encore une fois, pareil que le tome 1, de très très belles illustrations. On s'attache très très très vite au personnage. En plus, le nom, ça me fait un peu penser à chien et chat. Déjà que dans le tome 1, ça parlait contre les chats et les chiens, donc c'est vraiment bien. Là, on va voir Félix Bellaire et Sacha Sauvage. Réussiront-ils à protéger, cette fois encore, l'Europe de l'invasion des Klebs? Donc les Klebs, c'est les chiens, tout simplement, les Klebs. Et donc, j'adore vraiment ce livre. Il est vraiment bien, donc pas beaucoup de pages, hein. On va dire allez, une bonne centaine, un peu plus de 100-130, on va dire. Donc au prix de 9,90€. Donc je vous le rappelle, à partir de 13h45, nous allons avoir Henri alias Hardisk en interview. Là, on va faire une petite pause musicale en écoutant Bonds avec Sweet Dreams, BO de tout simplement L'Expérience Interdite, le remake. Sweet dream, really thought we made a sweet dream. Là, c'était Born avec Sweet Dreams. Donc, on vous avait parlé de la BO, de l'expérience interdite, le remake. Bah, là, on va tout de suite en parler. Donc, alors là, c'était un film interdit aux moins de 12 ans d'une durée d'une heure 50 pour découvrir ce qui se passe après la mort. 5 étudiants en médecine se lancent dans une expérience aussi audacieuse que dangereuse. Sur eux-mêmes, volontairement, ils se provoquent des arrêts cardiaques pendant de courtes périodes afin de vivre des expériences après la mort. Ensuite, ils se réaniment. Pour ma part, un bon remake, mais comme Scream le dit, ça ne battra jamais le premier, mais je l'ai quand même aimé. Des très bonnes scènes, des scènes assez marrantes. On s'attache beaucoup à des personnages, comme il y en a qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. C'est surtout ça, et aussi, du coup, on apprend sur le passé des gens. Donc, en fait, du coup, parce qu'ils se font mourir, leur passé, leur guette. Par contre, une petite incohérence que j'ai pu remarquer, c'est que, bon, c'est pas vraiment du spoil, mais il y a des éléments, justement, ça part de la mort, donc ils voient forcément des morts, mais ils avaient fait quelque chose dans le passé, mais la personne n'est pas morte. Donc, c'est ça que je ne comprends pas vraiment, à part si ça se passe dans le futur, ça peut être plausible. Mais je n'y crois pas vraiment. Moi, sinon, un très très bon film, des scènes qui ont fait sauter le public, des assez bonnes scènes. Parfois, on a le cœur qui palpite assez bien. Donc, un très très bon film. Notamment, on retrouve des acteurs de l'ancien, notamment Kiefer Sutherland, maintenant qui fait l'enseignant en médecine. Donc ça, c'est bien. Maintenant, dans les remakes, on voit ça de plus en plus. C'est vraiment bien. On dirait qu'en sorte, il se passe le flambeau entre eux. Quoique, comme je dis, les remakes tuent les remakes. Mais pour celui-là, il est bien réalisé. Il y a plein d'autres remakes qui n'ont pas été réussis. Mais celui-là, franchement, est vraiment bien. Donc, je vous conseille de voir celui-ci, puis l'ancien, pour faire la part des choses. Là, nous allons se faire une petite pause musicale avec Christine and the Queen, avec Tilted. Après l'interview de Henry. Magic marker, I'm in my Là, c'était Christine N de Queen avec T-Led. Et donc là, on a Henri en interview. Donc bonjour Henri. Salut, ça va? Ouais. Bien, bien. Donc Henri, tu es youtubeur. Maintenant, on peut dire que tu es écrivain hein, avec ton livre « Comment devenir pro en vidéo ». Donc je te laisse te présenter. C'est vrai que maintenant, je suis un homme de lettres. Ouais, je suis Henri, je m'appelle Hardisk sur Internet et sur YouTube, et je suis youtubeur à temps plein maintenant depuis quelques mois. Avant, je travaillais dans la production vidéo, et je parle d'audiovisuel sur ma chaîne, qui est de la vulgarisation, et j'essaie de rendre un peu le monde de l'audiovisuel, donc ce qui est écriture de scénario, ce qui est montage, effets spéciaux, etc., abordable et drôle, et de rendre ça sympa. Oui, c'est vraiment ton type de vidéo axée humour vidéo. Et donc, comment t'es venu l'idée de passer de chaîne YouTube au papier, donc c'est-à-dire livre? L'histoire est nulle parce que ça m'est pas venu du tout. Ce serait beaucoup plus marrant si c'était un projet perso, mais en fait, il y a un éditeur qui m'a contacté. Tu sais, souvent, tu te fais contacter par des trucs comme ça et ils font oui. Semblant de connaître ton travail, genre « Ah, j'adore ce que tu fais !» Mais là, pour le coup, c'est un éditeur qui connaissait vraiment mon travail et qui me citait des vidéos et tout. Et ils m'ont dit ce serait pas mal de faire un espèce de guide où tu reprends, 100 vidéos en un seul livre, avec plein de conseils. Et donc ce bouquin, en fait, c'est un résumé d'une grande partie de mon travail, mais au format papier. Super. Et donc, quelle partie t'as pris le plus de temps à réaliser dans ce livre? C'est compliqué ça comme question, parce que si tu veux, moi c'est des sujets en règle générale que je maîtrise. Il n'y en a qu'un seul que je maîtrise pas là-dedans, c'est le son. Parce que c'est pas ma spécialité, du coup j'ai fait appel à un ami qui travaille là-dedans pour m'aider à écrire cette partie. Cette partie-là, forcément, c'est plus rapide pour moi à écrire, mais non, l'entièreté du bouquin, parce que si tu veux, c'est toujours compliqué quand tu fais un livre qui a pour but d'être lu par des gens qui ne connaissent rien du tout, qui oui, c'est sont sûr. Pas forcément déjà intéressés, et essayer de leur donner un intérêt pour ça, tu vois, et donc du coup tu passes beaucoup de temps à te relire, à dire est-ce que cette tournure de phrase elle est bien, est-ce qu'on comprend ce que je dis, est-ce que voilà, c'est... Quand t'aimes beaucoup la technique et la technologie, c'est souvent tu perds dans tes propres concepts parce que voilà, il y a des gens en face qui n'ont pas forcément cette même passion, des mêmes connaissances. Ouais, et une question que beaucoup de gens se posent, comment t'es venu la passion de la vidéo? Écoute, j'avais 10 ans avec un appareil photo numérique de qualité. et je faisais des petits trucs à la con tout seul chez moi et je pense que c'est un truc que j'ai pris comme quelqu'un prend n'importe quoi d'autre. Il y a des gens qui écrivent des gros articles de blog ou qui écrivent des bouquins, des machins, des trucs, des romans. Moi je suis tombé là-dessus un peu tout seul. Enfin, j'ai toujours beaucoup bien aimé l'image, pas forcément l'écriture mais l'image en tout cas. Et voilà quoi, puis j'ai pas vraiment lâché. Bah super, ça, nous on a tous des passions, donc pourquoi pas la vidéo. Et quelle est la partie où tu t'es le plus éclaté, où t'as le plus aimé faire dans ce livre? Dans le bouquin, la partie effets spéciaux, c'était rigolo, parce que c'était mon métier pendant assez longtemps, et si tu veux, voilà, moi c'est vraiment la partie, pour le coup, que je maîtrisais le plus avec l'image, et parce que là, c'est vraiment la passion qui parle, quoi, tu vois, c'est... Je me renseigne tout quotidiennement sur ce qui est en train de sortir en technologie. Et là, j'ai encore tourné une vidéo juste avant que tu m'appelles sur de nouvelles technologies qui vont sortir, des robots vont monter potentiellement nos vidéos à notre place. Voilà, c'est un sujet que je trouve très intéressant et j'ai bien aimé écrire ça. Et quels ont été les retours à tes abonnés ou même des gens qui ne connaissaient pas face à sa sortie? Eh bien écoute, c'est compliqué à dire parce que c'est encore en train de tomber. Moi, l'édition, c'est un monde que je connaissais pas du tout. Et c'est un monde qui fonctionne pas comme YouTube forcément parce que il est en magasin. Les magasins, ne serait-ce que pour avoir des données sur les ventes, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut le temps de reprendre tous les chiffres de tous les magasins, puis de faire une moyenne, etc. C'est un peu long. Donc j'ai pas encore toutes les informations. Le livre est sorti en septembre pour info et là je suis encore en train de tous les jours d'avoir des retours, des infos, genre de trucs. Et pour l'instant les retours sont plutôt bons. On a fait une tournée dédicace on a fait un mini tour de France dans 5 villes différentes. On a fait 7 dates dans 5 villes différentes. À chaque fois les gens étaient là et puis c'était plutôt bien passé. Il y avait vraiment de tout. Il y avait des gens qui s'intéressaient pas du tout à la vidéo. Mais qui trouvait ma façon d'écrire drôle, parce qu'évidemment, moi j'essaie de faire des blagues autour de ça, tu vois, l'idée c'est de dédramatiser un peu le truc. Oui. Donc il y a des gens qui m'aiment aimé avec ça, il y a des gens qui s'y connaissaient déjà, mais qui se servent de mon bouquin comme une façon de former un peu d'autres gens qui bossent avec eux, quand ils ont des stagiaires, ils leur filent mon bouquin entre les mains, etc. parce que c'est une bonne mise en pratique et introduction à ce monde-là. Donc c'est assez différent selon les gens qui parlent. Et justement, comment s'est passée la tournée ? Très bien, très très bien. C'était fatigant parce qu'on a passé un mois et demi tous les samedis à faire une ville différente de France, passer tous les week-ends dans le train, à aller dans plein de villes qu'on connaissait pas pour aller en dédicace, et puis il fallait qu'on aille super vite parce que forcément on n'a que quelques heures, et c'est toujours en rush, genre de truc, tu vois, c'est normal. Oui. Donc c'était très très prenant et très très usant, mais c'était vachement sympa parce que je me suis rendu compte que il y a des gens qui regardent mes vidéos dans toutes les villes de France, c'est très bizarre en fait comme concept, tu vois, quand t'es à ton bureau à faire tes vidéos. Oui, voilà, c'est pas la même chose que de voir des gens qui écrivent des commentaires derrière un ordinateur et de les voir avoir un visage, tout simplement. C'est beaucoup mieux. Et t'as des conseils pour des gens qui veulent se lancer dans la vidéo ou même dans l'image ? Écoute, mes conseils seraient différents selon s'ils veulent se lancer dans l'image, s'ils veulent se lancer dans YouTube, parce que c'est vraiment deux trucs très différents. Mais si tu veux, en règle générale, c'est ce que je donne même à des étudiants quand je fais des conférences. Faites énormément de projets perso, passez votre temps à faire des projets perso, parce que c'est ce qui change la donne, quoi. Le fait de faire des petits films dans son coin, on peut trouver peut-être un petit peu nul, et souvent ils le sont, hein, quand on fait des films dans son coin, moi le premier, hein, tu fais pas un truc un peu nul, t'as pas les ressources, t'as pas, voilà. Mais au final, c'est le meilleur entraînement, et il faut pas avoir peur, parce qu'il faut bien se rendre compte que dans le monde professionnel, évidemment, il y a plus de moyens, c'est parfois quand même mieux organisé, mais souvent ce côté un peu désorganisé, où on est toujours en panique, etc., il se retrouve aussi dans le monde pro. Donc il ne faut pas croire que voilà, il y a une excellente vidéo de Rocket Jump sortie il n'y a pas longtemps qui explique que Star Wars 4 a été sauvé au montage et que tout ce qu'ils avaient tourné était inexploitable, c'était l'enfer. Mm-hmm. Faut dédramatiser un peu et ça passe. Ah oui, c'est sûr que ça passe, l'humour passe toujours. Quoi qu'il arrive, et où peut-on trouver ton bouquin ? Dans quelle bonne kiosque ou même sur le net ? Alors, écoute, sur Amazon, ça s'appelle « Comment devenir un pro en vidéo » avec mm-hmm. le pseudo Artdisc. Sinon, pour les revendeurs français, tu vois, les grandes librairies, Fnac, des sites, et puis sinon, toutes les petites librairies aussi longues en général, on peut le commander en tout cas. Et puis, au niveau de la Belgique, j'avoue que je suis complètement désamorcé parce que je connais pas du tout vos revendeurs. Vous avez, je pense, aussi la Fnac. Je suis désolé, je connais rien à la Belgique, c'est horrible. je pense que oui, dans les trucs type Fnac en Belgique, vous pouvez l'avoir aussi. Oui, c'est sûr. Et justement, là, tu disais que tu tournais une vidéo sur la nouvelle technologie. Peux-tu un peu nous teaser dessus, justement ? Oui, en fait, pour te la faire très rapidement, c'est une vidéo qui sort bientôt. En gros, ça parle de machine learning. Pour la faire très courte, le machine learning, c'est apprendre à un ordinateur à réfléchir comme un cerveau humain. Donc, on va l'entraîner à regarder plein d'exemples d'une situation donnée. Et puis, à partir de ces entraînements, la machine va être capable de reconnaître des événements similaires. Par exemple, si je montre à une machine 10 000 photos de gens en train de jouer du tennis, à partir de là, on peut dire qu'il sera capable de reconnaître n'importe quelle photo de gens en train de jouer du tennis. Là où ça devient intéressant, c'est que on peut l'appliquer à plein de trucs, notamment à du montage vidéo, c'est ce qu'on fera dans les vidéos. Mm-hmm. On arrive avec des ordinateurs maintenant, si d'ici 2-3 ans, on aura des trucs qui vont sortir, qui sont en train d'être annoncés, où une machine va être capable de reconnaître ce qui se passe dans ta vidéo. Je vous reconnaître que c'est un mec qui est en train de faire du skateboard, de reconnaître le moment intéressant où il saute et automatiquement faire le montage tout seul, voilà, en résumé. C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, c'est un truc qui est assez intéressant, ça va permettre d'automatiser une bonne partie du travail. Je trouvais ça intéressant et c'est un bon sujet vidéo. Justement, donc du coup, à mon avis, c'est une suite à ta vidéo sur Adobe que tu avais sortie, je crois, il y a 2 semaines de cela. Et donc, un petit mot de la fin pour tous les auditeurs et les auditrices. Merci beaucoup. Promis, j'essaierai d'en apprendre plus sur la Belgique parce que je suis complètement mais merci beaucoup de m'avoir invité. Pourquoi pas un jour si tu repasses en tournée vers la Belgique, pourquoi pas passer ici un mercredi de 13h30 à 14h30 pour faire une petite interview dans le studio, quoi. Donc je le rappelle, ton livre. Les horaires très codifiés. De 13h30, je viendrai de 13h30 à 14h29, si ça va.

R qui sait. Il y en a qui ont le cœur si. Faut que je plonge dans la vie. Tes sensations. Dans une vie où je sens, où je plonge pour toujours. Ta musique. Ta génération. Ta génération. Donc voilà, là on s'est écouté La Fouine avec papa, et justement avant on avait une interview de Henri, donc Hardisk. Vous pouvez encore le retrouver sur sa chaîne YouTube du même nom, Hardisk, et retrouver son livre dans toutes les bonnes kiosques ou même sur Amazon, c'est Comment devenir pro en vidéo. Merci à toi en tout cas Henri pour ton interview et bonne vidéo. Là on va avoir tout simplement la programmation du cinéma Forever Moucron. Et là, dans les sorties de la semaine, il y a Star Wars, Les Derniers Jedi, donc un film très très très attendu, et moi aussi je l'attends très très bien. Il dure 2h32 celui-ci, donc le dernier chapitre de cette trilogie, car là ils ont signé pour une nouvelle trilogie, à dévoiler tout simplement l'acteur qui faisait Finn. Donc le synopsis, les héros du Réveil de la Force rejoignent leur figure légendaire de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la force et entraîne des choquantes révélations sur le passé. Donc il y a d'être un très très bon chapitre donc de Star Wars The Last Jedi. Là on a Star 80, la suite, donc pour ceux qui ont envie de s'éclater dans la musique des années 80, d'une durée d'1h52, donc c'est une comédie musicale. 40 ans maintenant que la tournée Star 80 remplit les salles, alors que les chanteurs partent une semaine au ski bien méritée, leurs producteurs Vincent et Antoine découvrent qu'ils ont été victimes d'une escroquerie et risquent de tout perdre. Une seule solution pour couvrir leurs dettes, organiser le concert du siècle en seulement 15 jours. Donc qui a d'être très très très marrant ce Star 80, un film de Thomas Langman, donc vraiment bien. Là, un dernier film de la semaine, il y a Le Brio, donc avec Daniel Auteuil et Camilla Jordana, donc un film d'1h35 qui est plus une comédie dramatique. Naila Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate inscrite à une grande université parisienne. Et donc il va avoir des choses qui vont se mettre des bâtons dans les roues. Et justement on va voir ce qu'elle va se battre pour devenir avocate. Donc un très très bon film. Ensuite dans les événements, on a tout simplement jeudi 14 décembre Titanic. J'en vois un qui sourit là. Donc à partir de 20h les entrées sont à 6€. Ensuite, on a le mardi 16 janvier, Les Tuches 3, donc en Cinéma Four Ladies, à 19h accueil au stand, à 20h tirage de la tombola en salle, et à 20h30, votre film Les Tuches 3 avec un sac cadeau à la sortie. Dans les coups de cœur, on a Detroit, donc Détroit, Victoria et Abdul, Au Revoir Là-Haut. Dans les films de la semaine, il y a Star 80 La Suite, Le Brio, Star Wars Les Derniers Jedi, Paddington 2, Le Crime de l'Orient Express, Tueur, Santa et compagnie, L'Expérience Interdite, Flatliners, Coco, La Justice League, Épouse-moi mon pote, et c'est tout pour moi. N'oubliez pas qu'il y a Casse-Noisette le 24 décembre, donc là c'est la programmation du cinéma Forever. Encore merci à eux. Là on va s'écouter Jimmy Rockway avec Virtual Insanity. Il se retient à Arras au Mind Square 2018. What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And for the worst, see, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give these future. Là, c'était tout simplement Jimmy Rockway avec Virtual Insanity, donc rockstar de la pop qui sera présent au Mind Square 2018, accompagné de Orelsan, IAM, Nekfeu, Gojira, Queen of the Stone Age, Depeche Mode et bien, bien d'autres, les amis. Là, on va passer à la creepypasta. C'est une connue, assez connue, c'est Suicide Mouse. L'un des épisodes perdus de Mickey Mouse datant des années 1930 était retrouvé. Cependant, ce dernier n'est pas comme les autres, car il montre Mickey qui marche devant des buildings sur une musique très étrange. C'est lorsque que Leonard Maltin a révisé le cartoon pour l'inclure dans la série complète pour la sortir en DVD qu'il est tombé sur cet épisode. Après l'avoir confié à un employé pour le visionner, ce dernier s'est suicidé à la fin du cartoon à l'aide d'un pistolet d'un vigile présent sur place. Donc sur ce dessin animé, on voit tout simplement Mickey Mouse en entendant des cris. Sur ce dessin animé, on voit des visages apparaître sur celui-ci. On voit Mickey qui prend un air de plus en plus malsain, psychopathe. Donc une très très bonne creepypasta, Suicide Mouse, l'une des très très très connues. Il y a notamment Herobrine, Jeff the Killer, Slenderman, des creepypastas pilières. Et il y a justement celle-ci qui fait partie des creepypastas pilières. Là on va s'écouter Kayla Sitzel avec This Is Me. Stranger to the dark, hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Me down. I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. C'est tout simplement Kayla Sitzel avec This Is Me. Là, on va passer à un nouveau partenaire. Et oui, super, en plus, un partenaire vidéo. Tiens, tout est lié. Interview d'Hard Disk, partenaire vidéo. Allez, pourquoi pas. Donc là, le nouveau partenaire vidéo, c'est Easy Cover. Ça parle justement cover, couverture. Et ce sont des protections, pas pour les pop cette fois-ci de Pipi Joe, encore des protections, mais cette fois-ci c'est pour appareils photo, pour vos DSLR, surtout vos boîtiers. Là on a reçu pour le 1100D, le Canon EOS 1100D, on a reçu une protection pour le boîtier, donc couleur noire. Vous en avez pour tous les modèles de Canon, Nikon. Par contre Sony, je crois que vous en avez que deux. Et les Panasonic Lumix, ils travaillent dessus, mais ce n'est pas encore sorti. Là on a reçu un de couleur noire, très très bien, boîtier très ergonomique. En plus il faut savoir que dessus vous avez accès tout simplement au jack pour mettre vos prises. Vous avez une protection pour votre grip flash. Et vous pouvez justement aussi mettre une grip pour enclencher votre appareil photo, mais sur le bas, une grip quoi. Ensuite, on a reçu une protection pour l'anneau de votre objectif pour un 18-55 mm. Très très bien aussi, justement, c'est antidérapant. Ça tient dans la main et c'est super. C'est pas résistant au choc. Hein. Vous le faites tomber, votre appareil gasse, hein, ça sert pas à ça. Ça sert plus à avoir déjà un boîtier plus beau et plus ergonomique et qui tient mieux dans les mains. Ensuite, on a reçu aussi une petite housse pour le 18-55 de couleur noire. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut la mettre à la ceinture et la mettre sur votre sac en mousqueton. Et on a aussi reçu deux protections pour le Tamron 70-200. Une protection kaki, couleur militaire, et une protection noire. Encore merci à Easy Cover pour ceci. Là, on va se faire une petite pause avec This Your World avec Know That We Found Love. Mais tout d'abord, vous pouvez retrouver la vidéo sur le site et sur la et sur la chaîne YouTube Touche à Tout. Dire World avec Know That We Found Love, un super bon titre que Scream m'a fait découvrir. Là, on va passer à la chronique pop de la semaine. Là, cette fois-ci, c'est une pop qui est sortie il y a quand même, je dirais pas il y a longtemps, mais qui est sortie quand même il y a pas si longtemps que ça. C'est Psychose avec Norman Bates. Tout simplement, par contre, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas Norman Bates de l'excellente série Bat's Motel, mais plutôt de l'original Psychose, même si Bat's Motel, je vous conseille vraiment une très très bonne série, notamment avec celle qui fait la mère, celle qui fait tout simplement Conjuring, voilà, celle qui fait Conjuring. Là, c'est le numéro 466 du Pop Movies. Et donc là, on a Norman Bates avec une robe de chambre, une perruque provenant de sa mère, un couteau ensanglanté, donc ça fait notamment, je crois, référence à la scène de la salle de bain. Une très très belle pop, vraiment d'excellents détails dans la robe de chambre, de très très bons détails dans les cheveux aussi, même si je trouve les cheveux ils sont bien faits, mais les finitions sont pas très top pour les cheveux. Le couteau ensanglanté, super bien fait cette fois-ci comparé aux anciens pop où il y a des couteaux ensanglantés. Et il faut savoir aussi qu'il y a une version de Norman Bates qui existe en noir et blanc. Une version alternative en noir et blanc sur Norman Bates. Cette fois-ci, c'est la version couleur qu'on a eue. Donc, on voit les cheveux dépasser de Norman Bates, ce qui montre qu'il porte une perruque. Donc, ça aussi, c'est très bien recherché dans la recherche de cette pop. En même temps, sur cette salve, il y avait aussi Carrie qui était sortie et bien, bien d'autres. Là, on va se faire une petite pause avec Tom Tom Club avec Wardy Rapping Good. Pollution. Say the right. words are like a certain person who can't say what they mean, don't mean what they say. With a rap, rap here and rap, rap there, here, rap there, rap everywhere, rap, rap. Wrap it up for the common good, let us enlist the neighborhood. It's okay, I've overstood. This is a wordy rapping hood. Okay, bye. C'était tout simplement Tom Tom Club avec Wordy Rapping Hood. Là, on va parler de la dernière chronique de cette semaine. C'est Le Crime de l'Orient Express. Un film qu'on a été voir au Forever Moucron. Encore merci pour le partenariat. Et là, tout simplement, c'est un excellent film donc inspiré de l'histoire d'Agatha Christie, célèbre romancière. Dans ce film, vous avez Kenneth Branagh, Penelope Cruz, William Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, un très très bon rôle dans ce film. Derek Jacobi, Leslie O'Jr, Michelle Pfeiffer, qui a notamment fait la BO de celle-ci. Très très bonne BO. Un film qui dure 1h54, je l'aurais aimé vraiment plus long. Il était tellement bien ce film, mais on peut pas demander plus tellement qu'il est bien. Le luxe et le calme d'un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par le meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l'assassin avant qu'il ne frappe à nouveau. D'après le célèbre roman d'Agatha Christie, comme je le disais. Franchement, on apprend vraiment sur les personnages, une psychologie. À part pour ceux qui n'ont pas lu le roman, on s'y attend vraiment pas à la fin. Une très très bonne histoire, très très bien romancée. Et là, c'est pas vraiment du spoil, mais à la fin, Hercule Poirot descend du train. On le rappelle, on lui dit « C'est vous le célèbre détective Hercule Poirot ?» Répond comme à son habitude, assez, pas vraiment charlatan, mais toujours optimiste. « Oui, c'est moi, Hercule Poirot !» Il répond comme ça. Et là, monsieur, on vous appelle pour le Nil, car il y a eu un crime. Et donc, justement, c'est ça un déclic sur le roman d'Agatha Christie, un crime sur le Nil. Croisière sur le Nil, plutôt. Donc pourquoi pas, on peut s'y attendre tout à fait à une suite. Là, on va... Donc Hercule Poirot qui est belge, fierté nationale, hein, pourquoi pas Hercule Poirot. Et donc là, on se retrouve la semaine prochaine. Encore merci déjà à tous les auditeurs et auditrices. Merci à toi, Henri, pour l'interview. Tu es un type génial. Et là, on va terminer avec Will Smith, avec Man in Black. À la semaine prochaine. Ciao. In black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk a shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. Now, from the deepest of the darkest.